Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas.